conte de fées en français. Le lit magique. Il y a très très longtemps, dans un endroit qui s'appelait Ambertown, vivait le prince Adam. C'était un grand dirigeant et un prince aimant. Il n'avait peur de rien et était généreux tout à la fois. Le royaume d'Ambertown adorait son prince. Une fois, tandis qu'il se rendait dans un autre royaume en passant par la forêt, le prince Adam fut séparé de ses soldats. Après avoir chevauché son cheval pendant un moment, Adam décida de se reposer sous un arbre. Comme il avait faim, il sortit un morceau de pain de son sac. En brisant le premier morceau, il vit une fourmi en sortir en rampant. Adam posa doucement le morceau et prit une autre tranche. Et de cette tranche sortirent deux fourmis. Il posa aussi cette tranche-là. Et dans la troisième tranche, il trouva trois fourmis. Et ainsi de suite. Alors il réalisa que les fourmis avaient envahi toute sa nourriture. Mais plutôt que de se mettre en colère, le prince Adam sourit. Peut-être que tu as plus besoin que moi de cette nourriture. Vas-y, bon appétit. Oh, loué sois-tu, cher ami. Hein? Tu peux parler? Oui, je peux. Je suis le roi de ces fourmis. Merci beaucoup de nous nourrir. Que puis-je faire pour toi en échange? Oh, votre majesté, j'ai déjà tout. En fait, j'ai bien plus que ce dont j'ai besoin. Mais il te manque un morceau de ton âme très importante. Ta destinée. Ma destinée? La princesse la lune. La légende raconte que seul un homme généreux peut l'épouser. Mon cœur me dit que cet homme, c'est toi. Tu auras besoin de moi une fois que tu l'auras rencontré. Donc tout ce que tu auras à faire, c'est de trouver une fourmi et lui demander de me trouver moi. Je viendrai pour toi. D'accord, mais je ne comprends rien de ce qu'il se passe. Suis ton cœur, mon ami, suis ton cœur. Confus, Adam remonta à cheval et partit. Un peu plus loin, il vit un tigre qui pleurait de douleur. Il avait une épine plantée dans la patte. Adam, sans aucune crainte, alla aider le tigre. Merci. Que puis-je faire pour toi en échange? Toi aussi, tu parles? Je viens de rencontrer une fourmi qui parlait. Tu as dû rencontrer le roi des fourmis. Eh bien, dis-moi, où est-ce que tu vas? Eh bien, il semble que je sois parti en quête de la princesse la lune. La légende dit que seul un héros au cœur pur pourra l'épouser. J'ai foi en toi, mon ami. La princesse que tu cherches vit au-delà des sept jungles dans les hautes montagnes. Mais comment vais-je arriver là-bas? Un peu plus loin, sur ta droite, tu vas rencontrer un vieil homme. Dis-lui que tu nous as rencontrés, moi et le roi des fourmis. Il te donnera alors tout ce dont tu as besoin pour trouver la princesse. Et écoute bien, tu auras besoin de moi pour finir ta quête. Alors, tout ce que tu auras à faire, c'est de demander aux arbres de me trouver. Et je viendrai pour toi. Confus de nouveau, Adam remercia le tigre et partit en direction du vieil homme. Comme le tigre l'avait promis, le vieil homme se trouvait sous un arbre, avec un lit devant lui. Adam lui raconta sa rencontre avec le tigre et le roi des fourmis. Le vieil homme regarda Adam droit dans les yeux et sourit. Ah, la légende disait vrai. Tiens, prends ce lit. C'est un lit magique. Allonge-toi dessus et dis-lui où aller. Il te fera aller où tu veux en volant. Et voici un bol en pierre. Il te donnera de l'eau à chaque fois que tu en auras envie. Tu auras besoin de ces deux choses pour trouver la princesse la lune. Adam laissa son cheval au vieil homme et s'envola sur le lit magique avec son bol en pierre. Le lit emmena Adam au royaume de la princesse la lune. Il faisait nuit et il voulait passer la nuit quelque part avant de se rendre au palais le lendemain matin. Soudain, il entendit quelque chose. Je n'arrive pas à marcher. Oh, monsieur, est-ce que ça va? Je me suis fait mal aux jambes et j'habite très loin d'ici. Je ne peux pas marcher et j'ai vraiment très très soif. Adam demanda rapidement un peu d'eau au bol en pierre et aida le vieil homme à boire. Il accompagna aussi le vieil homme jusqu'à sa maison. Oh, merci, mon enfant. Mais attends, tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je m'appelle Adam et je suis ici pour voir... Princesse la Lune. Princesse la Lune. Mais comment le savais-tu? Mais tu n'es pas le seul, voyons. Beaucoup d'hommes ont tenté leur chance et ont misérablement échoué. Le roi, fatigué de ces étrangers, les a interdits de venir au royaume à vie. Personne n'a le droit d'héberger aucun étranger. Je ne peux même pas t'offrir un abri, même pour une heure. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas, je ne te causerai aucun ennui. Je m'en vais immédiatement. Au moment où le prince allait partir, une lumière brillante traversa la fenêtre. Toute la ville s'illumina comme s'il y avait des étoiles au-dessus de la terre. Adam sortit vite. Comme la maison du vieil homme était plus proche du palais, Adam put voir clairement ce qu'il se passait. Une belle jeune femme habillée d'une élégante robe blanche vint sur le toit. Elle avait l'air rayonnant et pur. La femme ouvrit les yeux et vit le prince. Ce fut l'amour au premier regard. Ils se regardèrent dans les yeux. Mais au bout d'un moment, elle ferma les yeux tristement et s'assit sur le toit. Adam voulait qu'elle rouvre les yeux pour le regarder encore. Mais elle les garda fermés. Elle ne rouvrira pas ses yeux, tu sais. Viens à l'intérieur, mon enfant. Qui est-elle? Pourquoi n'ouvrira-t-elle pas ses yeux? Et pourquoi donc avait-elle l'air si triste? Ah, c'est la princesse que tu cherches. Et elle est triste parce qu'elle attend que la légende devienne réalité. Mais quelle est donc cette fameuse légende dont tout le monde me parle? Eh bien, la princesse la Lune n'est pas une princesse ordinaire. Sais-tu pourquoi nous n'avons aucune lumière dans ce royaume? C'est parce que c'est la princesse la Lune qui illumine la ville tout entière jusqu'à minuit. Quand elle est née, elle était si belle qu'une fée lui a donné le pouvoir de briller plus fort que la Lune. Toutes les nuits, elle éclaire le ciel et la terre. Mais sa bénédiction est devenue sa plus grande malédiction. Des tas d'hommes ont tenté d'attaquer notre royaume pour enlever notre princesse. La fée a dit que celui qui pourrait accomplir 3 tâches pourrait épouser la princesse. Dis-moi, quelles sont ces 3 tâches? La première, c'est de faire de l'huile à partir de 80 livres de graines de moutarde écrasées en une nuit. La deuxième, c'est de combattre 2 démons à la fois. Et la troisième, c'est de donner un coup sur le tambour qui se trouve sur la plus haute montagne. Tu dois savoir que la montagne est si haute qu'elle touche presque le paradis. Une petite seconde. Une armée de fourmis peut facilement écraser 80 livres de graines de moutarde. Le tigre et moi, on peut combattre 2 démons à la fois. Quant au tambour, sur la plus haute montagne, n'est-ce pas pour cela que j'ai le lit magique? Le prince Adam avait pris sa décision. Après avoir envoyé des messages à ses nouveaux amis par le biais des arbres et des fourmis, il se rendrait aux gardes royaux. Il savait que c'était le seul moyen de voir la princesse sans créer d'ennui au vieil homme. Une fois à l'intérieur du palais, le prince Adam vit la princesse la Lune. Elle ne brillait pas comme la veille au soir. Mais elle était toujours très belle. Comment oses-tu entrer dans ce royaume? Je ne veux même pas connaître ton nom. Jetez-le immédiatement au donjon! Non! Attendez! Papa, je suis tombée amoureuse de cet étranger. Et avec ta permission, j'aimerais vraiment l'épouser. Si bien sûr il le souhaite aussi. Oui! Oui! Un milliard de fois oui! Mais enfin, nous ne le connaissons même pas! Désolé de vous interrompre, Votre Majesté. Mais je suis un prince. Le prince Adam d'Ambertown. Tu ne peux pas juste épouser ma fille. Il te faut accomplir les trois tâches. Je connais la légende, Votre Majesté. Je me sens prêt à accomplir même 100 tâches, si cela me permet d'épouser la femme que j'aime. Le roi expliqua la première tâche au prince Adam, qu'il accepta avec un sourire. Il quitta le palais en promettant de revenir avec une tonne d'huile. Cette nuit-là, à l'auberge, Adam eut quelques visiteurs. C'était le roi des fourmis et son armée de fourmis. Toutes les fourmis se mirent au travail et au matin, toutes les graines étaient écrasées. On amena l'huile au palais. Le roi, surpris, sembla reprendre un peu espoir. Peut-être était-il vraiment l'homme qui était destiné à se marier avec sa fille. Il expliqua alors la tâche suivante. Cet après-midi-là, un combat entre Adam et les deux démons fut organisé. Mais plutôt que d'entrer sur le ring tout seul, Adam y alla avec son ami le tigre. Ensemble, ils battirent les deux démons. Le tigre salua Adam et s'en alla. Le roi, à présent très content de son futur gendre, lui expliqua la dernière tâche. Mais c'est sur la plus haute montagne, mon fils! Comment comptes-tu y aller? Ne vous inquiétez pas, sire. Je vais y arriver. Adam approcha son lit et s'allongea dessus devant tout le monde. Il s'envola dans les airs et tout le monde lui dit au revoir de la main. Les heures passèrent, mais sans aucun signe d'Adam. Le royaume commença à s'inquiéter. Quand soudain, il y eut un énorme bruit dans le ciel. Presque comme un coup de tonnerre. C'était le tambour. Adam avait atteint le haut de la montagne et frappait le tambour. Dans les heures qui suivirent, Adam redescendit sur son lit magique. Tout le palais applaudit le nouveau prince. La légende est devenue réalité. Tu es vraiment très courageux. Et c'est vrai que ton cœur est pur. Je suis honoré de t'offrir la main de ma fille et un beau mariage. Et quant à moi, je suis honoré d'épouser la belle princesse. C'est ainsi que le prince Adam avait montré du courage et de la générosité pour gagner l'amour de sa vie. La princesse la Lune. Ils gouvernèrent ensemble sur Ambertown dans l'amour et le courage et vécurent heureux pour toujours.